la question de l'éclatement. Donc, effectivement, ça, c'est fondamental. Et tu as raison de souligner que l'éclatement, ça double tranchant, puisque c'est aussi la fin du mythe au système, la fin de la croyance au système, la fin de l'adhésion. C'est un début que, où les gens ne veulent plus parce qu'ils n'y croient plus. Je crois que ce qu'il y a de nouveau dans la crise de 2008, c'est qu'effectivement, on a fait le constat de cette perte de la croyance. Quoi. Parce que ça, c'est voilà, l'éclatement, le fait que les gens ont l'impression de ne plus servir à rien, etc. Donc, c'est la fin du mythe, du travail utile, de l'état-nation, etc. Il y a beaucoup de mythes qui sont effondrés. Face à cela, vous avez raison de souligner que le milieu militaire révolutionnaire n'a apporté strictement aucune roue de rechange ni rien pour essayer de rentrer dans cette porte, dans cette brèche. Mais par contre, ceux qui ont trouvé quand même des stratégies de rechange, c'est quand même le pouvoir. Le pouvoir, il peut trouver des stratégies de rechange. La montée des communautarismes, elle se situe dans la recréation de nouveaux liens sociaux à travers des formes de domination. Voilà. C'est-à-dire que quand on refait du communautarisme, on recrée de la domination, on enlève aux gens on recrée de nouveaux mythes et on enlève aux gens cette capacité à imaginer autre chose, hein, à vouloir autre chose. Et ça, c'est moi je pense que moi je voulais le souligner. C'est-à-dire que quand on s'attaque, les copains, on a encore parlé hier soir, à la résurgence du régionalisme. Hein, quand moi j'ai pris le métro, donc apparemment ici maintenant on quelqu'un discute à la fin de chaque station. On comprend, ça c'est quelque chose de politique, aucun Toulousain a demandé à ce qu'on éructe des choses, je ne comprends pas qui a demandé quoi. Donc c'est bien une décision politique qui fait que dans le métro, on entend des sonorités bizarres. Logique, c'est pas droit. Bon, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce que d'après ce que j'ai compris, l'Occitan, bon, c'est un mélange de Gascogne et d'Afrique, bon, il y a beaucoup de grès là-dessus, je ne sais pas ce que c'est. Le fait est que le pouvoir s'est très bien trouvé des petites diversions, même des grandes diversions, pour faire qu'effectivement, le prolétariat, ce que vous appelez le prolétariat, les gens, n'est pas un projet commun. C'est pour continuer à diviser même au travers de l'unité. Parce qu'il y a des unités qui créent la division. Et ça, c'est marrant, mais c'est comme ça, c'est parti de paradoxe. Voilà. Donc moi, je voulais souligner ça. Après, pour les deux autres poèmes, qui sont des poèmes, pareil, nouveaux, des poèmes d'attaque psychologique des gens, hein, comme le double lien, les jonctions, etc. Moi, je crois qu'effectivement, il faut recréer des espaces d'échange, au moins entre les militants. Parce que ça, c'est très important. C'est très important que des gens avec qui on soit bon, en désaccord sur pas mal de points viennent aussi exprimer ce qu'ils ressentent. Ça fait partie du fait que, eh bien, ça donne des forces. Voilà. Parce qu'on tombe d'accord quand même sur certains points. Et c'est quand même l'unité, la véritable unité. C'est le fait qu'on ait ensemble les mêmes perspectives, etc., elle se crée aussi dans les discussions. Voilà. Et si vous regardez bien, le système, il met tout en place pour que les gens ne discutent plus. On n'a pas parlé du poids des technologies modernes. Mais bon, vous voyez bien dans la rue, vous prenez le métro, alors non seulement on est réveillé en Occitan, mais c'est névrant que pour les gens qui n'ont rien dans les oreilles. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des choses dans les oreilles dans le métro. C'est-à-dire que bon, et là ils écoutent de l'anglais, certainement. Bon, je ne sais pas, des chansons. Donc personne, tout est fait, tout est créé pour que les gens ne se parlent plus. Donc il faut créer, quand on nous dit, bon, mais qu'est-ce que vous faites, quoi, et créer des lieux d'échange, de réflexion, où effectivement on pose les contrats. Le système est mauvais de contrats, on les pose clairement. Et ça, c'est important. C'est important parce que, tu as parlé tout à l'heure du moral des gens, mais ça remonte le moral. Quand on voit quand même qu'on est un certain nombre, venus d'horizons différents, à dire, oh, mais là, effectivement, il y a des points de faiblesse. Le système a des points faibles. Le problème, c'est que lui-même est en train de les résoudre, ça peut être fait. Donc, c'est aussi une course contre la montre. C'est voilà. Une des réponses, la conscientisation, c'est aussi créer des lieux d'échange, à finir aussi avec cette histoire d'organisation, etc. et tout, peut-être, hein, ou effectivement, créer des passerelles et mettre tout sur la table. Donc, voilà, s'il y a des polémiques, il y a des polémiques, mais essayer de voir dans tous les secteurs qu'est-ce que c'est qui se passe, la réalité que vivent les gens. Partir de cette réalité et pointer les contradictions dans chaque réalité. Voilà. J'ai écouté l'exposé de oui, ça existe, mais c'est pas la réalité que moi je connais dans le prolétariat industriel. Moi, en tant qu'ouvrier qualifié, mon pouvoir c'est mes mains. Je, anciens. J'ai déjà subi des pressions, tout ça. Mais c'est moi qui règle. Le patron, il a besoin de moi. Et il aura beau me mettre de la pression, il ne me livrera pas parce qu'il sait que je suis un ouvrier de plein niveau. Mais je constate que tous mes collègues aux alentours, eux, ils n'ont pas cette conscience. Eux, ils sont résignés. Tant c'est des types, si le patron fait chier, ben, il n'aura pas la salle. Voilà. Mais ils disent, oh, mais c'est la vie, c'est comme ça. Voilà. Je pense que le patronat d'un métallurgie, enfin dans l'industrie, dans certains métiers, sans vouloir faire du corporatif, on peut faire des petites résistances quotidiennes, des choses comme ça. Ce que tu parlais, moi je pense que c'est surtout dans le prolétariat, les employés, les gens qui sont au magasin, les magasins, c'est-à-dire des boulots où qui peuvent, ou en leur place la menace du chômage. Moi, je n'ai pas peur du chômage personnellement. Je sais que je pense que tout à fait. C'est pas du mal. Moi, je pense que. Moi, j'ai pas entendu juste la fin. Mais je pense que la lutte, elle ne trouve pas sa raison d'être dans le monde de l'entreprise. Même si c'est un lieu privilégié, je veux dire, pour donner une forme à la lutte. Mais justement, pour revenir justement à ce que tu disais, la lutte, elle prend essor, comme on l'a dit, dans la vie privée, dans les conditions de vie qu'on a, c'est là qu'elle prend naissance. Et justement, l'époque qu'on vit aujourd'hui, on la qualifie de multiculturaliste. Et c'est justement, à mon avis, l'arme qu'utilise le pouvoir, justement, pour éviter, pour empêcher la création d'une lutte globale du type social. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas universitaire, et ce soir j'ai dit oui pour parler de ma réalité, moi, dans mon boulot. Parce que toutes ces histoires de management, je le vis au quotidien, puisque je travaille dans le tertiaire, dans une boîte qui est dirigée par Monsieur Pinot. Donc tout ce que tu as dit, en gros, en théorie, c'est ça. J'ai retrouvé dans ce que tu as dit le cahier des charges qui est bien divisé en trois parties, entre le travail minimum, ce qu'on appelle le plus et le plus-plus. C'est tout ce qui est notre chiffre d'affaires qui va être généré par la suite. J'ai retrouvé... Grosso modo, j'ai retrouvé. Moi-même, j'ai été amené à faire des formations sur le management. Et quand toi, tout à l'heure, tu disais que le système était en train de travailler sur le fait de corriger ses contradictions, il le fait très bien et encore plus dans l'entreprise. Par le biais de formation, de jeux de rôle, etc. etc. Par exemple, la ségrégation à l'embauche, on nous fait faire des jeux de rôle. C'est pathétique comme ça, à dire comme ça, parce qu'il faut caricaturer par exemple le jeune du quartier qui vient, qui a présenté son CV, il faut le caricaturer mais à mort. Et il faut, nous en face, on doit lui dire non, vous pouvez pas, il faut trouver les mots. Enfin, moi pour le moment, ils m'ont épargné ce truc-là. Mais bon, j'ai été confronté à ce genre de pratique. Après, tu disais dans le privé, et encore une fois, je parle que dans le tertiaire et dans le commerce, parce que les autres branches, je ne connais pas. Tu disais dans le privé, les patrons, ils parlent cash de pognon à leurs salariés. Eh bien oui, tous les jours, on a droit à notre polycope, chiffre d'affaires par employé, ratio service vendu par matériel, valeur du stock, etc., etc. Tous les mois, on a droit à notre réunion mensuelle, les objectifs du mois, ce qu'il faut atteindre, ce qu'eux, ils appellent le VIM, c'est le variable mensuel, etc., etc. Et si on ne le fait pas, il y a une autre réunion qui vient par derrière et où on nous réajuste nos objectifs. Là aussi, encore une fois, ça rentre dans un système bien huilé, où à la base, le chef de service et son adjoint, il se trouve que moi je suis adjoint, sont chargés d'identifier les catégories de personnel, en trois types de familles de personnel. La première, c'est ceux qui ne font pas de problème et qui sont très productifs et qui ont un rendement plus que satisfaisant. Ceux-là, on les oublie. On ne s'en occupe pas parce qu'eux, ils sont capables de... La deuxième, c'est le entre-mou. Ceux qui sont parfois font du bon boulot, mais parfois peuvent s'oublier. C'est ceux-là où on va mettre le paquet. Et la troisième catégorie de personnel, c'est ceux qui ne font rien. C'est ce qu'on appelle les insoumis. C'est des gens... c'est plus nous qui nous en occupons, en fait. Si tu veux, on les laisse pourrir dans le service. Et c'est la direction qui en prend le relais et qui va trouver une solution de rechange. En gros, ça se termine souvent par un licenciement. Voilà. Donc nous, moi personnellement, mon travail, c'est de jouer sur le ventre mou de l'équipe, quoi. De le rendre au maximum productif, quoi. Et pour ce faire, on nous a donné une armada de moyens, quoi. Et oui, pour en revenir à ça, oui, on leur parle de pognon. Et quand tu disais l'amour du travail bien fait, ça, c'est clair, ça n'existe plus. Maintenant, c'est on leur donne des perspectives d'avenir. On leur donne, si vous faites ci, vous aurez droit à telle prime. Si vous êtes mobile, vous aurez droit à tant de primes. Et plus vous irez loin, plus vous toucherez de l'argent. Si moi je suis à Toulouse et que je pars à Lille, on va me donner 10 000 euros de prime. Prime de mobilité, ça s'appelle. Enfin, j'exagère, mais bon, c'est moi quand je suis parti à Perpignan, on m'a donné quand même 3 000 euros, Toulouse et Perpignan. T'as ça, qu'est-ce que t'as encore Mais bon, en fait, si tu veux, c'est vraiment le leitmotiv pour les employés, c'est vraiment l'argent. On parle vraiment de business. Si nous on le fait pas, les autres, la concurrence le feront. Donc il faut absolument qu'on le fasse, et c'est là où on va taper. Et c'est, quand je te parle du cahier des charges, le travail minimum, c'est ce qui est le rendement normal, le plus, c'est ce qui va nous donner plus d'argent, et le plus, c'est ce qui va nous donner la totale. Et nous, on est chargé de regarder par rapport à ça. Donc voilà. C'est tout. C'est très intéressant tout ce qui se dit. Je vais partir d'un aspect. Apparemment, il y a des différences entre ceux qui travaillent dans le secteur tertiaire, dans l'industrie, on pourrait dire aussi dans la grande industrie ou dans les PME ou dans le bâtiment, etc. Et c'est vrai que il y a des spécificités, ça c'est vrai. Mais alors ça pose la question, qu'est-ce qui peut pousser à l'unité? Parce que c'est ça qui... c'est une préoccupation de tout le monde. Et dans ce qui peut pousser à l'unité, il y a que malgré tout, au-delà de ces spécificités, les salariés, je ne parle pas des policiers ni des militaires, hein, je parle des salariés, ont des intérêts fondamentalement communs. C'est les syndicats qui font tout pour empêcher de voir ces intérêts communs. Je donne un seul exemple. Dans la lutte des ouvriers de Friscale, il y a eu un petit noyau d'ouvriers vraiment combatifs. Un peu plus lucides que les autres. Ils se sont démenés pour essayer d'organiser des assemblées générales où ceux de TDF auraient pu venir participer, ou ceux de Continental en face, et en fait des boîtes qui avaient aussi des problèmes. Qui c'est qui a fait obstacle? C'est pas les ouvriers eux-mêmes, c'est les délégués syndicaux. Dont un qui est à la CFDT, qui est trotskiste. Je ne dis pas ça pour le montrer du doigt, mais parce que il a tout l'état, pour nous, ils sont qui ont dit à ces ouvriers, mais pourquoi vous voulez faire une assemblée générale commune avec ceux de TDF, mais on n'a pas du, c'est pas, on n'a pas les mêmes problèmes, c'est pas pareil. C'est ça. Donc, il faut bien se dire que il y a quand même chez les ouvriers, parce que ces ouvriers-là, ils sont pas aussi simples. Il y en a qui poussent dans ce sens de chercher l'unité, mais la bourgeoisie a ses gardes-chiourmes pour casser ces tentatives. Alors, comment ça peut aboutir? Et là, j'arrive. Et est-ce qu'on a des chances aujourd'hui de faire le dépassement dont qu'on évoquait tout à l'heure? Si je disais que nous pensons que la plus grande chance est d'aller dans un sens de dépassement positif, quel temps ça va prendre, ça on ne sait pas, c'est parce que... Bon, nous on réfléchit comme ça. Il nous semble important de distinguer des périodes dans l'histoire du mouvement ouvrier. Il y a des périodes où les ouvriers sont complètement laminés, abattus et déboussolés. Par exemple, pour nous, les années 30, ce sont des périodes de déboussolement complet. Parce que là, en même temps que les ouvriers avaient eu un espoir énorme quand ils avaient vu la révolution en Russie, voir ce que c'était devenu et que les staliniens imposer leur chape de plomb, ils avaient gardé de la combativité, on a vu 36 en France, mais la combativité ça suffit pas, ils étaient complètement déboussolés, et 36 ça a voulu dire quelques miettes pour amener les ouvriers à la guerre. Bon, est-ce qu'on est aujourd'hui dans cette période? Nous on pense pas, on pense que même si c'est très difficile, qu'il y a une dynamique depuis 68 qui connaît des hauts et des bas, mais qu'on n'a pas connu de défaite aussi importante que cette défaite de la révolution russe. Et que les ouvriers qui connaissent des difficultés dans le monde entier aujourd'hui ont les potentialités dans la période actuelle de les dépasser. Évidemment, ça se discute. Et je termine en disant aussi que pour aller dans ce sens, les espaces d'échange dont tu parlais nous paraissent très importants. On ne sait pas trop, mais on pense que peut-être un signal sera quand on va voir des ouvriers commencer à vouloir se retrouver entre eux pour discuter. Ça va être aussi un signal de quelque chose. Pour l'instant, dans le monde, ce sont des petites minorités qu'on voit se regrouper, on peut discuter avec elles, etc. Et c'est des minorités. Mais quand on va voir aussi des ouvriers tendre vers ça, on peut se dire, il commence à se passer quelque chose. Et enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, qu'un élément aussi qui sera déterminant pour avancer vers l'unité, ça sera le développement d'une vision morale. Pourquoi ? Parce que le but de la lutte révolutionnaire, bien sûr, c'est que chacun ait de quoi bouffer, de quoi vivre dignement, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de construire une véritable communauté humaine. Et sans vision de ce que représente cette communauté humaine, c'est-à-dire sans vision éthique, ça ne pourra pas y arriver. Oui, voilà. Cette dimension du projet de société derrière. Excuse-moi, je ne suis pas bien. Là, tu parlais de Spartacus tout à l'heure, c'est à peu près pour ça qu'ils ont intéressé à l'état de révolte, pas de révolution. C'est parce que justement, il y a ce manque de projet, de critique et d'éthique. Voilà, qu'est-ce que je veux dire. Oui, après, oui, voilà, ça, donc, sur l'atomisation, effectivement, c'est réapprendre à vivre avec et pas contre l'autre. Effectivement, on est dans une. Toujours ça, le capitalisme, c'est qui s'est domurégué, c'est la chose d'un peu. D'où la problématique, c'est justement de commenter pour et apprendre aux gens à faire des comptes sur le plan individuel, où effectivement chacun essaie de retirer la couverture de soi pour gagner une prime de fin d'année ou quelque chose pour effectivement insuffler cette dynamique et cette conscience que c'est possible de vivre. Enfin, moi, dans ma boîte, sur un élément sur lequel il s'appuie qui est très important, c'est justement les gars comme moi ou comme les cadres. parce que c'est la courroie de transmission entre la direction et l'équipe. Et justement, quand on parlait tout à l'heure de lien, pas de lien social, mais de lien, je dirais, avec une connotation humaine derrière, c'est nous qui sommes chargés de faire ce travail-là. Si vous voulez, quand on va voir un employé, c'est notre copain. Notre collègue de boulot, il faut le traiter comme si c'était notre copain. Et le truc pervers dans l'histoire, c'est que le collègue de boulot, il tombe dans le panneau, quoi. Il croit qu'on est ses copains, quoi. Enfin, moi, personnellement, en tant que tel, pour moi, c'est tous mes potes. Hein, mes collègues de boulot, c'est mes potes. Hein. Mais c'est vrai que quand on fait des réunions ou on nous briefe sur le management, on nous demande justement d'alimenter ce lien avec les employés. On nous demande d'être copains avec eux, d'être confidents, d'être pour pouvoir en tirer un maximum, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et c'est après à l'employé à dire pourquoi la journée elle était là, et bien plus de gens que d'habitude sont partis sans achat. Ça, c'est le recours aux nouvelles technologies, parce qu'avant on ne pouvait pas. Ça. Effectivement, ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on peut contrôler l'employé sur un tas de détails qu'on ne connaît pas autrefois. Ça, c'est sûr. Autrefois, vous étiez employé dans un magasin, il n'y avait pas tout un dispositif qui permettait de suivre la clientèle comme ça, scientifiquement. Voilà, c'est des détails du contrôle, comment le contrôle du patronat arrive à toucher. Oui, ce contrôle, ça sert justement à cette nouvelle économie, quoi. Avant, on pouvait, il fallait avoir beaucoup de stock, produire le plus de stock possible. Maintenant, il ne faut pas avoir de stock, il faut vraiment produire et vendre tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je ne sais plus, il y a des stratégies maintenant japonaises, le Kanban, par exemple, ce genre de choses. Bon, enfin, vraiment, il faut que ça aille le plus vite possible. Et donc, j'en ai parlé dans l'exposé, une des valeurs qui est implicite, qui est demandée à l'employé, c'est son adaptabilité, parce qu'il faut qu'elle-même l'entreprise soit adaptable, flexible le plus possible, être vraiment sensible à la nouvelle demande qui va surgir à la seconde, et pouvoir tout de suite se mettre en branle. Donc voilà, et le contrôle, effectivement, ça sert aussi à l'application de cette nouvelle gestion économique, voilà. Oui, après, pour le fonctionnaire, je ne suis même pas sûr, mais je suis persuadé que ce type de technique soit efficace et efficiente. Oui. C'est-à-dire, les ruptures de stock et machin, c'est pas bon, même sans parler de révolution derrière. C'est assez bon. Après, voilà, d'un point de vue révolutionnaire, et effectivement, nous, les pôles, pour toute une vieille hiérarchie, donc. Mais pour rebondir sur, tu disais il fallait partir de la réalité. De partir de la réalité, ça serait de bosser dans ce genre de truc, d'être commenté. Mais là, ce qu'on a vu, on a quand même, comme dit, vous avez pu voir certaines petites manipulations d'ordre psychologique, parce que ça fonctionne là-dessus. Effectivement, je ne sais pas sur un tract ou machin, ça, tu peux partir de ce genre de choses aussi. C'est aussi une arme dont tu peux te servir. Tu peux dire, ben voilà comment vous fonctionnez, etc. Le sabotage de projet. Oui. L'idée, il faut qu'il y ait un sabotage, une pratique régulière de sabotage dans l'entreprise pour que le salarié ne croit pas qu'il est le pote du patron et qu'ils ont une entreprise commune qui se rappelle qu'il est d'une classe. Bon, maintenant, on y est, puisque visiblement, ils leur disent clairement c'est pour qu'on gagne de l'argent, etc. Donc c'est positif aussi, de ce point de vue-là, puisque c'était l'objectif de Pouget de rappeler que, qu'on n'est pas une grande famille. Maintenant, évidemment, tout le monde le voit. Est-ce qu'il y a du sabotage? C'est ça la question. Non. Du sabotage? Oui, est-ce qu'il y a des gens qui essayent de nuire au patron de... Est-ce qu'il y a dans la mentalité des salariés, dans genre, c'est mon ennemi? Non, non, parce qu'on est rentré dans une logique où on est chacun pour soi. Et s'il y a un problème, si quelqu'un, si un de mes collègues a un problème avec, avec la direction, avec la hiérarchie, quoi, il se tourne directement vers la CGT. Tu vois? Parce que si tu veux, il s'appuie. En fait, il a donné toute sa confiance au syndicat, et il peut lui arriver la pire des choses, il va se tourner systématiquement, c'est devenu un réflexe. Il est opposé à la contestation, c'est le CGT. Voilà. Et en partant de là, ben, tu peux te dire que toute contestation est anéantie d'entrée. Je crois aussi que là, on a fait l'état de lieu, bon, satisfaisant dans son exposé, mais pas satisfaisant dans les choses. Mais ce qu'on n'a pas oublié de dire, c'est qu'il y a des chômeurs. Et que j'ai l'impression des fois qu'on est à l'air de la brouette. Il faut qu'on travaille 8 heures, 10 heures par jour pour arriver à vivre. Est-ce que c'est logique? Oui. Si les gens travaillaient moins, il y aurait moins de chômage. Parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est l'air de la brouette dont on parle tout le temps. Ça dépend dans quel point de vue on se place, mais pour les managers, oui, c'est logique, parce que le chômage à l'extérieur, ça sert de chantage à l'emploi. Absolument. Il y a des gens qui ont peur de ne pas avoir de boulot et qui sont accrochés à leur boulot, et des gens qui sont en train de supplier. Même le cadre en lui-même. Les gens, c'est moi, ça peut être moi aussi, ou c'est moi aussi à certains moments. Quand je dis les gens, le cadre, même local, on est des poissons qu'on essaie de noyer. Le cadre en lui-même dispose d'une enveloppe, en fait. Et c'est une enveloppe, lui il a aussi des objectifs que lui sont soumis par la direction qui ne peut pas dépasser l'enveloppe. Et pour pouvoir pas dépasser l'enveloppe, il est obligé de rogner sur, enfin obligé, entre guillemets, il doit rogner sur le budget masse salariale. Et en partant de là, tous les coûts sont permis. Il peut réduire la masse salariale en heures, faire le chantage à l'emploi, faire appel aux intérimaires, etc. etc. Mobilité des horaires, on en arrive à tous les abus. Moi j'ai un frère qui est gérant d'un petit supermarché, un petit moyen, qui fait 600 mètres carrés. Généralement, il n'emploie pas les ouvriers à plein temps. Parce que c'est plus facilement remplaçable un ouvrier qu'on paye, évidemment, pas pour un vrai salaire, à 5 ou 6 heures par jour, plutôt que de payer quelqu'un. On fait mieux, entre guillemets, travailler les gens et on est mieux. On s'en sert mieux dans la semaine. C'est de l'ordre du profit. Ça, c'est la loi du capitalisme. Alors là, c'est du travail à temps partiel, mais c'est aussi un salaire à temps partiel. C'est pas un salaire pour tout. C'est un critère qui m'a pris. Pour rebondir sur ce que tu disais là, sur l'histoire de CGT, ça me rappelle un copain pour l'histoire de Molex, quand on était allé les voir et tout ça, au début il y avait un bon contact, c'est vrai qu'on tractait, c'était génial. Les gens y parlaient et tout. Puis dès que les syndicats s'en sont mêlés, quand on est allé les voir à Manif, on avait dû les mettre au courant. Hop. Et le copain il me disait, bon mais aussi les gens, il va falloir qu'ils apprennent à se passer de papa et maman de syndicat. Et c'est vrai qu'à la fin du truc, quand Daniel Linhart parle d'investissement narcissique, c'est vrai que ce morcellement ou ce truc, ça fait penser aussi à une infantilisation aussi. Et la société, elle s'infantilise aussi, de fait. Tout à fait. Et ça aussi, c'est une des armes du pouvoir, d'infantiliser les gens. On va pas faire le catalogue. Moi, je dirais que la culture de lutte, elle a été remplacée par la culture syndicale, justement. La culture de lutte dans les entreprises qui sont importantes a été remplacée par la culture syndicale, justement. C'est comme ça que je le prends. Mais c'est vrai, mais c'est pour ça que nous pensons, quand on réfléchit à la perspective de la lutte de classe, qu'est-ce qu'il va falloir que les ouvriers dépassent comme obstacle pour arriver jusqu'à l'insurrection et à la révolution? Il y a au moins deux obstacles énormes. Les syndicats, et il va falloir que les ouvriers comprennent jusqu'au bout ce que sont et ce que vraiment les syndicats, et les gauchistes. Là aussi, il va falloir qu'ils comprennent que ce n'est pas des révolutions. Ça n'a plus le troisième. Oh, peut-être. mais quelquefois ils sont plus visibles. Donc, c'est toujours la différence. Moi, je n'ai pas l'impression que dans le tertiaire, l'industrie, partout où je suis appelé, les gens ne résignent pas. Ils avaient tous la conscience que le patron était là pour s'embaucher une fois. Entre le temps de faire une pièce, on savait qui serait venu, je ne sais combien. Après, les gens pensent à ce qu'ils veulent, c'est des d'autres non. Et on parlait de conscience de classe, moi j'ai travaillé dans une très grande boîte ici à Toulouse, dans la Técoère. Quand on parlait des syndicats, les ouvriers, ce n'était pas forcément tous des révolutions. Il y en avait pas mal, mais ils n'étaient pas dupes quand même. C'était FO, c'était la CGT. C'était des collabos du patron, le connard qui était adhérent à FO, c'était pour des mises avantages. Voilà, et je pense que dans ce genre de boîte, si un jour il y a une révolution, je pense que les gars de FO et de la CGT ont peut-être une solution. Ils se font jamais échapper. Et voilà. Oui, c'est ça, après c'est encore. Toujours c'est le manque de perspective. C'est-à-dire que les gens ils vont se trouver dans la panade dans leur entreprise et qu'est-ce qu'ils ont comme alternative, et bien on voit le syndicat, donc sinon ils ne savent pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire qu'il faut leur donner d'autres moyens, et c'est assez motivant aussi le fait que tu travailles avec le syndicat, c'est quelque chose qui peut marcher. Voilà, après c'est à nous de poser des perspectives de lutte dans les boîtes comme des perspectives de long terme, de l'exercice. En quoi c'est vrai que les gens, pourquoi les gens ne touchent pas forcément, c'est parce qu'ils savent que le capitalisme se nourrit, les patrons et les syndicats c'est dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on fait à la base? On fait la révolution, mais qu'est-ce qu'on fait à la base? C'est vrai que si en tant que militant révolutionnaire on a des choses à faire, c'est effectivement pouvoir balancer des fois c'était comme ça, droite à gauche, et ça sent. Comment sur le sous dit les ouvriers, je ne pense pas que c'est complètement décentralisé. Je crois que les syndicalistes ont encore un MP de cette culture passion. C'est-à-dire que ce qu'il a dit le copain, c'est vrai, la culture de lutte, c'est la culture syndicale. Et il a dit à côté, à Fesquen, il a suffi qu'un délégué de la CGT ou de la CGT dise pourquoi que les intérêts ne sont pas communs pour que finalement la dynamique se casse. Et effectivement, moi je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. Même si effectivement ils sont quand même moins puissants qu'avant. Parce qu'avant c'était impossible pour nous d'aller dans les entreprises. Bon, cette année on a été à Molex, à Fesquel. Il y a 20 ans on n'y aurait pas été. On se serait fait carrément de la tête. Absolument. Voilà. Là aussi c'est un point nouveau, on y est, mais encore il y a quand même. Effectivement, je crois que c'est l'infantilisation. Les gens ne se prennent pas en charge complètement, ou ils ont peur ou quoi ou qu'est-ce. Même si ça veut quelque part le syndicat est pourri, ils se disent que bon, peut-être que pour eux, dans leur cas personnel, ça marchera. Et cette croyance-là est encore très néfaste, et voilà, il faut travailler contre ça, et on n'est pas aidé non plus, ni par les gauchistes, ni dans les anarchistes, où bien souvent, moi je dis, il vaut mieux un syndicat que pas de syndicat du tout. C'est-à-dire, t'as plein de. Mais pas que dans l'alternative libertaire, on en a eu aussi chez nous, où ils te disent, il vaut mieux que ce soit syndical, CGT, que pas de section du tout. Moi je pense qu'il vaut mieux pas de section du tout. C'est clair. Pourquoi les mecs viennent de saper la lutte au dernier moment, c'est pas la peine. C'est très vite qu'on est au fer. Donc il vaut mieux agir. Moi je disais, on a des exemples, où les gens ont agi comme ça, de manière bon, pour des petites luttes, quoi. Hein. Eh bien, on a gagné. Voilà, il n'y avait pas eu de syndicat, il n'y avait pas du tout de tout ça. Parce que ont quand même ce que disait le camarade, ils ont cette capacité. Et si tu es anarchiste, c'est parce qu'on pense que les gens ont cette capacité. Voilà. Si on pensait que les gens étaient débiles, on dirait qu'on va faire un parti et on va les guider. Mais non, on pense que les gens ont cette capacité. Mais simplement, il faut lutter contre toutes les formes d'infantilisation. Et dans notre milieu, anarchiste, et voire même des fois anarcho-syndicaliste, il y a des gens qui prennent le syndicalisme. Voilà. Ça, c'est grave. Voilà. Les gens, ils ont recours justement au syndicat, c'est parce qu'ils se sentent isolés. C'est parce qu'ils sont isolés. C'est simplement pour ça qu'ils ont recours. Ils ne sont pas organisés. Et moi, je pense que la solidarité doit prendre naissance en dehors de l'entreprise. Voilà. C'est pas seulement un problème de prolétariat, d'ouvrier, c'est un problème social général. malgré le tableau là, que j'ai dressé là, sur la boîte, elle n'allait surtout pas croire que je suis que je partage complètement ces pratiques, puisque je suis un peu le je suis un peu le vilain dans l'histoire, puisque j'ai droit à des allers-retours régulièrement au bureau du comme j'avais raconté, au bureau du comptable, ou même j'ai les syndicalistes qui me collent à la culotte. Ou alors qu'ils essayent de me diaboliser en me disant que voilà, qu'il faut pas me parler parce que je suis le diable en personne, que de toute façon j'ai été vu avec tel cadre, donc c'est que je suis mauvais, que je suis là pour pas les aider, ou alors ils viennent me voir les syndicalistes pour essayer de me faire prendre la carte à la CGT, enfin tout ce genre de petits... En ce moment j'y ai pas mal droit puisque l'année qui s'est écoulée avec les histoires qu'il y a eu, ça a été assez...